إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في دراسة هذا الموضوع، وهو قواعد وأصول في المنهج السلفي للشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به. Donc c'est notre deuxième assise autour de l'étude de ce sujet, dont le titre est « Règles et fondements de la voie salafi » du Cheikh Ubayd Hafidah Allah Ta'ala. فَمَرَّ مَعَنَا الْبَاءِ فِي الْجَلْسَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُقَدِّمَةِ وَقَاعِدَ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِيَ لَا وَهِيَ الْإِنْتِسَابِ إِلَى السَّلَفِيَةِ. Donc il est passé avec nous lors de la première assise l'introduction du Cheikh, ainsi que la première règle dans la voie salafie, qui est le fait d'appartenir à la voie salafie. ويقول حفظه الله في القاعدة الثانية يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. Dans la deuxième règle, qui est une règle très importante auquel tu dois prêter attention, frère en Allah Azza wa Jal, que tu ne te fasses pas avoir par les hommes et par les individus. La règle dit: on connaît les hommes par la vérité, et on ne connaît pas la vérité par les hommes. C'est pas l'homme qui est la vérité, c'est la vérité qui te fait connaître l'homme. La vérité, c'est la vérité. Et tu connais l'homme par la vérité, et non pas tu connais la vérité par l'homme. Tu dois maîtriser et savoir ce que c'est que la vérité pour peser cette personne, et pour mettre cette personne à sa place, et pour lui donner le rang qu'il mérite. Et c'est pas le contraire. Tout un chacun de nous n'est pas un emblème de la vérité. ومعنى القاعدة يقول الشيخ حفظه الله تعالى أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة إذا كان على الحق. Cette règle veut dire tout simplement que l'être humain, on dit de lui qu'il se cramponne à la sunna, qu'il fait partie des gens de la sunna et qu'il est dans la vérité tant qu'il est sur la vérité, et tant que la voie sur laquelle il est n'est pas altérée par une innovation. يقول حفظه الله العلامة الدالة عليه من تهجه من حق في أقواله وأعماله. وهذا الشطر الأول. Il dit حفظه الله تعالى la preuve de cette personne, si la voie, si la vérité sur laquelle il marche, si la vérité qu'il met en application dans ses paroles et dans ses actes. Ça, c'est la première partie. On connaît les hommes par la vérité. ولا يعرف الحق بالرجال والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب، بل كما قدمت لكم الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين، عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة، عند أهل الحديث، عند الفرقة الناجية، ميزانان فقط لا ثالث لهما، النص والإجماع. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, pour ce qui concerne la deuxième partie, la vérité, on ne connaît pas la vérité par les hommes. Ce qui veut dire, c'est pas parce que tout simplement quelqu'un a pris une voie, ou il a dit quelque chose, ou il a fait une œuvre, cela prouve qu'il l'a dans le mille. Ça ne prouve pas qu'il l'a dans le mille. Et comme il a dit, comme je l'ai avancé, pour juger les paroles, les actes chez les salafis, c'est les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, chez la fraction victorieuse, et c'est les gens du hadith, et chez les groupes sauvés, il n'y a que deux balances. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Deux balances. Le texte et le consensus. Le texte et le consensus. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna, et la voix sur laquelle étaient les plusieurs d'Allah. Mais le consensus sur laquelle étaient les plusieurs d'Allah. Tu n'enregistres pas, akhi. Non, d'accord. Donc, cela veut dire quoi? Tout acte, toute position, toute parole, qu'il vienne de qui que ce soit, qui n'est pas conforme à la parole d'Allah, à l'authentique de la sunna et au consensus, il est à plaquer contre le mur. Il est à plaquer contre. Peu importe celui qui l'a dit. La preuve est dans le texte et le consensus. Ce n'est pas les personnes. La vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas une personne. Telle personne, c'est la vérité. Abadan akhal islam. Hein? Et toute parole, tout acte qui va de pair et qui est conforme au texte et au consensus, conforme à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna, on l'accepte de n'importe qui, de qui ça vient. Ah, ça c'est là la règle. Tu connais là, les hommes parlent la vérité. Et tu ne connais pas la vérité à travers les hommes. Abadan khal islam. Qaïda du talitha. Fil hubbi wal bord. La troisième règle. Dans le fait d'aimer et de détester, qui est la règle de l'alliance et le désaveu. S'allier pour, avec quelqu'un ou désavouer quelqu'un. Alhamdulillah. يقول حفظه الله فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحيفون ويجورون في مسلك الحب والبغض. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, car beaucoup qui se prétendent des prêcheurs, hein, en ce qui concerne le fait d'aimer et de détester, ils sont à côté. Hein, il divise. فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء وأن نكون صريحين معكم ومع من تصل إليهم هذه الرسالة بل الحب والبغض عندهم في الأشخاص في ذوات الأشخاص. Il dit, حفظه الله تعالى, la mesure, c'est ces gens-là, c'est que le fait d'aimer et de détester chez ces gens-là, il dit qu'on soyons clairs avec vous et avec tous ceux à qui ce message va arriver. Ils aiment pour les personnes. Ils détestent pour les personnes en tant que personnes. Et ça, frère en Allah, Zéogel, quand on arrive à cela, on devient sectaire. Hein? Et on est à côté de la plaque. Quand on aime pour les personnes, et on déteste pour les personnes, qu'on s'allie pour les personnes, et on se déteste, on se désavoue pour les personnes, ça y est, c'est le sectarisme. Hein? Et on est à côté de la plaque dans ces cas-là. يقول حفظه الله وقد أجمع إجماع أهل الإسلام وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل بلغ البلاغ المبين لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه الجميع وسلم. Il dit, Havidah Allah Ta'ala, l'unanimité sur le fait. On marque bien le terme qu'il a utilisé. L'unanimité. Le consensus est sur le fait que les gens de la vérité voient que on n'aime pas pour une personne, à part pour le prophète alayhi sallam, on aime pour sa personne. C'est tout. C'est le seul que Allah subhanahu wa ta'ala exempte de toute erreur. Qui est Muhammad alayhi salatu salam. Il est exemple de toute erreur dans ce qu'il a transmis alayhi salatu salam. Il a transmis comme il se doit et clairement, il a tout transmis. Il n'a rien rajouté de ce qui lui a été ordonné. Il n'a rien diminué de ce qui lui a été ordonné. Il en est de même de tous les autres prophètes et les autres messagers alayhi salatu wassalam, depuis Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, pour qui on va s'allier pour sa personne? Muhammad alayhi salatu wassalam tout seul. Hein? Et on ne s'allie pas pour telle personne, ou la telle prêcheur, ou la telle cheikh, hein, pour lui-même. Abadan. Il n'y a que pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair et net. Pour ne pas tomber dans le sectarisme. Pour ne pas sortir de la voie de Tépuzer, d'Allah alayhi. Pour ne pas sortir de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Pourquoi? Parce que si tu aimes pour quelqu'un, tu dis à vous pour quelqu'un, ça veut dire que la vérité, il n'y a que celle que voit cette personne. Même s'il est dans le faux. Du moment où que ton amour t'aveugle pour cette personne. Hein? Il est dans le faux et tu vas défendre. Et c'est ça le sectarisme, à l'islam. وَمَّا فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ مِعْيَارَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ لَيْسَ فِي الْأَشْخَاصِ بل هو في الله سبحانه وتعالى فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله هذه ست صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخر استكمل عرى الإيمان. Dans la sunna, frère en Allah, Azza wa Jal, le signe de l'amour et du fait de détester ne se fait pas pour les gens. Tu ne t'allies pas pour une personne. Tu ne désavoues pas pour une personne. Mais tu t'allies pour Allah. Tu désavoues pour Allah. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Les textes sont là, dans la sunna, authentique de notre messager alayhi salatu wassalam qui nous annonce que l'amour doit se faire pour Allah, que détester doit se faire pour Allah, que s'allier doit se faire pour Allah, désavouer doit se faire pour Allah, priver doit se faire pour Allah, donner doit se faire pour Allah. Ce sont six caractéristiques. Celui qui les a, et celui qui les met en application dans son comportement avec autrui, il a complété les branches de la foi. Clair et net. Tout doit se faire pour Allah. Notre union doit se faire pour Allah. Notre séparation doit se faire pour Allah. Notre alliance pour Allah. Notre désaveu pour Allah et non pas pour une personne. Et si tu vois ce qui se passe autour de toi, tu vois que les gens s'allient pour les gens. S'allient pour telle personne, ou la telle prêcheur. Ils se disent à vous pour cette personne. Hein? Et ça, malheureusement, c'est la maladie sur un, en Europe et un petit peu partout. Hein? La maladie des partis nous a grignotés. Hein? la maladie des partis qui ont divié de la voie de leur plusieurs a grignoté certains de notre jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les règles. Et comme je te l'ai dit auparavant, tu dois avoir des règles et des fondements dans tous les domaines pour que tu ne sois pas perturbé. Hein? En ce qui concerne le monothéisme de l'adoration, tu dois avoir tes règles. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ramènes vers les règles. En ce qui concerne la seigneurie, la même chose. En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, dans la jurisprudence, hein, à tous les niveaux, tu vas avoir des règles et des fondements vers lesquels tu reviens. Dis que ça ne va pas, tu reviens vers la règle. Hein? Et ça, malheureusement, hein, notre jeunesse ne sait pas le faire, à l'islam. Et c'est ce qui fait que ils sont tout le temps dans le doute et dans l'hésitation. Et dans la perturbation. Et des fois, pire. Pour certains, la situation devient pire. Il devient comme la plume du coq. Le vent qui vient de l'est, il les jette vers l'est. Le vent qui vient de l'ouest, il les rejette vers l'ouest. Hein? Et le vent qui vient du nord va les pousser vers le sud. Et ainsi de suite. Ils sont jamais stables sur une voie. Ni sur un point. Pourquoi? Le manque de maîtrise des règles et des fondements à l'islam ne va pas plus loin que ça. Juste ça. Et ça, c'est une négligence de notre part. Nous devons maîtriser les fondements de notre religion. Pour ne pas être des girouettes, pour ne pas devenir des caméléons, et se colorer dans la religion d'Allah. Chaque jour, chaque mois, une tendance, une voie. Aujourd'hui, je suis Habashi. Demain, je suis Tablir. Après demain, je suis Ikhwan. Après demain, je ne sais plus quoi. Et ainsi de suite. Abadan akhal Islam. Si tu veux être sur la voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, hein, tu dois maîtriser les fondements de ta religion. ونأتي إلى القاعدة الرابعة في الرد على المخالف. Et la quatrième règle, c'est la réfutation à celui qui est en divergence. En divergence avec quoi? En divergence avec la sunna, en divergence avec la voie des puiseurs d'Allah, en divergence avec le livre d'Allah. يقول الشيخ حفظه الله إن لم يكن مئات فعشرات من الناس يهونون هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة لأن الأمة كما زعموا محتاجة إلى الاجتماع ورأب الصدع ولم الشمل إلى آخر ما يرددونه. Il dit, Habidallah Ta'ala, en ce qui concerne la réfutation à celui qui est en divergence avec la voix, ou avec un texte, ou avec la sunna, ou avec le consensus, il dit, des centaines, sinon des milliers de personnes, négligent ce point, négligent ce côté. Ils voient dans la réfutation à celui qui est tombé dans une divergence, que ceci est un moyen pour diviser la communauté. Ils prétendent que la communauté maintenant a besoin de s'unir et qu'on doit s'unir et ramasser les gens. Hein? Ça, ce sont les futilités qu'ils prétendent. S'unir sur quoi, Al-Islam? Car l'union à l'islam doit se faire sur la vérité et non pas pour les gens et autour des gens. L'union doit se faire pour la vérité à l'islam. On s'unit pour la vérité et on se sépare pour la vérité. Sinon on va dévier comme tous, tout un chacun qui ont dévié. Et on va rentrer dans quoi? Si on doit s'unir juste pour se s'unir, on va rentrer dans cette règle machiavélique qui dit la fin justifie les moyens. Hein? Et dans ces cas-là, où est la différence avec et Tbligh, et l'Ikhwan, et l'Ahbash, et tous les éclatés de la terre? Où il est? Il n'existe pas à l'islam. Donc nous devons tourner avec la vérité comme il tourne la vérité. Hein? Que les gens aiment ou ils n'aiment pas, peu importe, on doit tourner avec la vérité à l'islam. Que les gens aiment ou ils n'aiment pas, peu importe, tu cherches l'agrément d'Allah et tu ne cherches pas l'agrément des gens. Et l'agrément d'Allah à l'islam, chose qu'il est facile à obtenir. Et que les gens t'agréent, ce n'est pas facile. Hein? يقول الشيخ فنقول أولا هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتدعون إليه بشتى العبارات أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص إلذي حفظه الله تعالى premièrement c'est une union pour laquelle vous œuvrez sur quoi vous la basez. À partir de quelles règles, hein, vous faites cette union? Cette union pour laquelle vous appelez par tous les moyens, est-ce qu'il est pour Allah ou l'est-il pour les individus? يقول حفظه الله ذات الأشخاص لا علاقة لنا بها. ذات الأشخاص لا علاقة لنا بهم. أي لا علاقة لنا بالأشخاص. Dit Hafidah Allah Ta'ala, cela veut dire que pour les personnes, non, on n'a aucune relation avec les personnes. Cette union ne se fait pas pour les personnes. لَكِنْهُمْ بِزَعْمِهِمْ يُرِيدُونَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Mais ils prétendent que c'est pour Allah Azza wa Jal. Mais en réalité, ils la font pour qui? Pour les gens. فَمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَفِي ذَاتِهِ مِنْ أَيْنَا تُسْتَمَدُ أُصُولُهُ وَقَوَاعِدُ. Et donc, si vous prétendez que c'est pour Allah, donc s'il doit se faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, ses fondements et ses règles, on doit les ramener d'où? Ce qui doit se faire pour Allah, ses fondements et ses règles doivent venir d'où? يقول الشيخ من نص الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضي الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية. Il dit حفظه الله تعالى. Donc le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, ainsi que le consensus des gens de la vérité, de la guider parmi les imams de cette voie, les imams de cette religion, est sur le fait que les gens ne peuvent pas se réunir et leur union ne se fera que sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que la religion de vérité, dont la base c'est le monothéisme, dont la base c'est la réfutation et l'interdiction de l'associationnisme, et après toutes les autres obligations de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois comprendre ceci à l'islam, tu dois le maîtriser et le digérer pour que tu ne fasses pas avoir l'islam. يقول إذن قاعدة ما رضي الله عز وجل للعباد والبلاد ولم يرضى غيره تنحصر في أمرين. Il dit donc la règle pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour les pays, pour les lieux et pour ses serviteurs, il est contenu dans deux points. ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pour tout lieu, pour tout temps et pour tous les gens, il est contenu dans deux points. L'amr al-awwal, ikhlas al-din lillah subhanahu wa ta'ala, واساسه توحيد الله سبحانه وتعالى ثم فرائد الدين العمليه. Le premier point, c'est d'accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de ce premier point, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que tes actes soient exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite, tous les autres obligations, actes qui font partie de cette religion. والأمر الثاني التحذير من كل مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه وأعظم مغاضبه الشرك بالله ثم بعد ذلك التحذير من كبائر الذنوب والمعاصي والبدع والخرافات لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. Et le deuxième point, c'est l'avertissement contre tout ce qui ramène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui amène à la personne la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus grande, la plus énorme, et la plus injuste avec laquelle on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et celle qui attire la plus grande colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'associationnisme. C'est de faire des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après ça, c'est avertir contre toute forme de péchés capitaux et toute forme de désobéissance, et avertir contre toute innovation et avertir contre les histoires à dormir debout, car ils dénigrent la clarté de la foi et ils la diminuent. يقول وثانيا أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون فإذا قالوا نعم نسألهم تريدون أن يجتمعوا على ماذا. Deuxièmement, il est dit à ceux qui prétendent l'union, vous voulez que les musulmans ne se divisent pas. S'ils disent oui, nous leur posons la question, vous voulez qu'ils se réunissent sur quoi? Vous voulez les réunir sur quoi? Et qu'ils s'unissent sur quoi? Ala manhajin mu'ayyan. Fal jawab na'am. Hein? Certes, ils vont dire sur une voie bien précise sur laquelle ils veulent leur union. Hein? Il n'y a aucun doute qu'il faut bien qu'ils s'unissent sur une voie. Fayaqulu al-shaykh naqul اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ دوديغ se réunir sur une voie bien précise, bah écoutez maintenant ce qui a été rapporté authentiquement du serviteur d'Allah et de son messager, de son ami intime alayhi salatu wassalam. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث هذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى. Il dit حفظه الله تعالى et le message d'Allah a dit que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tout ce feu de l'enfer, sauf une. Les compagnons lui ont posé la question, laquelle est à Rasulallah? Il a dit le groupe. Et cherche de nous dire qu'il nous a devancé certains détails, certaines explications autour de ce hadith. Ce qui est passé avec nous lors de la première assise. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Le groupe. Faïdan, al-jama'a wa hiya al-salafiyya. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. Il dit حفظه الله تعالى donc le groupe c'est la Salafia, c'est le groupe victorieux, c'est le groupe sauvé. Ceux qui étaient sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala refuse que l'union des gens se fasse sur autre chose que sur la voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. Toute union qui n'est pas faite sur la voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons, il est refusé par Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا يقول حفظه الله وثالثا ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل فإن قالوا لا لم يقرهم أحد لا بد من فرقان بين الحق والباطل سواء في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك الشخصي في كل شيء لا بد من فرقان يلدي حفظه الله تعالى يقوله بوز. Une troisième question. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il doit y avoir la séparation entre le vrai et le faux? S'ils disent non, personne ne va être d'accord avec eux. Car il est obligatoire de faire la séparation entre eux, le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Que ce soit dans les adorations, que ce soit dans le comportement à avoir avec autrui, que ce soit dans les affaires commerciales, que ce soit dans ton comportement vis-à-vis de toi-même déjà, à tous les niveaux, il doit y avoir une séparation entre le vrai et le faux. وَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قُلْنَا لَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَرَّقَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت النبيون والمرسلون الذي جاءت به النبيون والمرسلون. Et s'ils disent oui, nous leur disons que Allah subhanahu wa ta'ala a fait la part des choses, il a séparé, c'est-à-dire la séparation du bien et du mal, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a séparé aussi alayhi salatu wassalam, et que les imams de la religion et les hommes de science de la religion sont sur l'unanimité de mettre de côté tout ce qui est en divergence avec la voie d'Allah transmise par les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. L'unanimité des imams de la religion est sur le fait qu'on doit mettre de côté tout ce qui est en divergence avec la voie d'Allah et la voie transmise par les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. يقول واسمعوا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مخرج في الصحيحين. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد معناه المردود. وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. Il dit, حفظه الله, écoutez le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire celui qui ramène quelque chose de nouveau dans notre religion, il lui sera rejeté. Ça veut dire, son acte, ce qu'il a ramené comme nouveau, il lui est rejeté. Il n'est pas accepté à l'islam. Et la chose qui est rejetée, c'est comme s'il n'existe pas. Et dans l'autre hadith rapporté par l'imam Muslim, celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de la religion, sur laquelle il n'y a pas l'ordre de Mohammed a.s., ben lui sera rejeté. Et ce qui est rejeté, c'est comme s'il n'existe pas. Il n'a pas eu lieu. Hein? Et les hommes de science disent que quand le rejet est attribué à une adoration, qu'on dit que cette adoration elle est rejetée, cela implique qu'il est fausse et qu'il est nul et qu'on ne peut pas la prendre en considération et qu'il n'est pas pris en considération. Et quand la réfutation et le rejet se fait pour un acte commercial ou autre, ou une transaction commerciale, ben ça veut dire qu'il faut l'annuler. Il ne peut pas y avoir lieu. Abadan. Yaqul thumma asma'u thaniyan. Sayakunu aqwamun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Cheikh de nous dire, écoutez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir des gens qui vont vous parler des choses que vous ne reconnaissez même pas, que vous ne savez même pas, ni vous ni vos parents. Faites attention à ceux-là. Faites attention à ces gens-là. ثم اسمعوا ثالثا وهو بعض من حديث العرباد بن سارية الصحيح المشهور قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا وفي رواية بما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. Il dit Habidallah Ta'ala, écoutez, troisièmement, voici une partie du hadith de l'Irbad ibn Sariya, un hadith réputé, qui est authentique, qui est connu, où l'Irbad ibn Sariya de dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhorte très forte. Les cœurs ont frémi à l'écoute de cette exhorte. Les yeux ont lâché leurs larmes. Et nous avons dit, Ya Rasulallah, c'est l'exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux. Conseille-nous, dans une autre version, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Et il a dit, je vous conseille le fait de préserver les droits d'Allah et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. Et attention à toute nouveauté. Attention aux innovations, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du Khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires. يقول حفظه الله هذا بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح للناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, ça c'est quelques preuves dans la sunna du messager a.s. et ces preuves sont unanimes sur le fait comme quoi ne peut anéantir la division des gens et unir les gens que le fait de suivre le messager d'Allah Azza wa Jal, que le fait de suivre le prophète a.s. c'est ce qui va tuer la division. يقول ويزيدها وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه أبو عمر بن عبد البر في تمهيده بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. Il dit, Havidallahu Ta'ala, nous rajoutons encore plus de clarté à cette situation, ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, ce qui est rapporté par l'imam Muslim, d'Abdullah, ibn Amr al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, que le messager d'Allah, Azza wa Jal, a dit, tout prophète qui est passé avant moi, il était de son devoir d'orienter sa communauté vers tout bien qu'il connaît pour eux et de les avertir de tout mal qu'il connaît pour eux. Et votre communauté, hein, son bien était dans son début. Et la fin de cette communauté, il va lui arriver des perturbations et des choses que vous n'allez pas reconnaître. Et ce hadith dit cheikh ou fiston, hein, il donne la véracité à ce qui a été rapporté par Abu Omar ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala dans son tamhid qui est l'explication de l'imam Mouta de l'imam Malik. Il le rapporte avec sa chaîne de transmission qu'il remonte directement à l'imam Malik rahimahullah ta'ala. والإمام مالك دي وهب بن كيسان كي تيتان غون تابعي كنت il s'assied pour donner ses cours avant de terminer, avant de partir et avant de se lever, il disait sachez que ne fera le bien de cette situation, de leur situation à cette époque, que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut amener l'agrément d'Allah et qui peut mettre cette communauté dans le bien que la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Voilà ce qu'il veut dire la phrase. Ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Ça veut dire que l'union de cette communauté ne pourra se faire et bien se faire qu'en revenant à la source et à l'origine, qui est la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. يقول حفظه الله وقد تواتر النقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وان لم تكن بدعية وانا ذاكر بعض ما صح عنهم رضي الله عنهم وارضاهم. Il dit حفظه الله تعالى, il a été rapporté par plusieurs voies authentiques des nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu salam qu'il faut réfuter la divergence et l'erreur même s'il n'est pas du domaine de l'innovation. Il dit, je vais vous citer ce qui nous a été rapporté authentiquement de ces nobles compagnons des nobles aïeuls irdouanallah alayhim. Et j'attire ton attention frère en Allah azza wa jal, que cette règle est énorme, la réfutation, cette règle comme quoi il faut réfuter le divergent est énorme. Et nous devons ramener à cette règle tous les problèmes qui se trouvent entre cette jeunesse musulmane. Et certains ont une irritation, ont une allergie contre les réfutations. Et surtout quand cette irritation touche quelqu'un qu'ils aiment, ou quelqu'un auquel ils se sont attachés. J'ai passé beaucoup de temps avec. C'est avec lui que j'ai connu la religion. Et ainsi de suite. et après, quand la réfutation tombe, et quand la personne est tombée en divergence avec les textes et avec la voix du puiseur dans la rime, hein, ta période de compagnie avec et tout ce que tu as eu avec, c'est fini. Tu t'allies pas pour la personne, tu t'allies pour la vérité à l'islam. Et si la personne s'entête, il ne veut pas revenir, il ne veut pas reconnaître son erreur, tu dois t'en éloigner à l'islam. Parce que il va t'enduire dans la même erreur que lui. Hein? Comment tu peux, hein, être consentant avec quelqu'un qui est en divergence avec Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, en divergence avec, hein, le noble compagnon d'Allah. Donc ceci est très important. Hein? Il ne vient pas. Hein? Mais il y a un certain nombre de sciences qui disent qu'il ne faut pas se préoccuper des réfutations. Via l'islam, ceux parmi les hommes de science qui disent qu'il ne faut pas se préoccuper de la réfutation ne le disent pas au sens large du terme. Surtout. Et ceux qui avertissent contre les réfutations sont deux catégories. Les innovateurs et ceux-là, leur parole n'est pas prise en considération. Les hommes de science dignes de la voix de ne plus être dans la lune, et ceux-là, ils le font avec condition. C'est quoi la condition? Donc quand tu entends de la part du Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, qui est une éminence dans la sunna, et dans la défense de la sunna, ou de Cheikh Al-Uthaymin, Rahmatullah alayh, qui est une éminence dans la défense de la sunna et dans le fait de propager la sunna, qu'il ne faut pas se préoccuper de la réfutation. Il faut bien que tu comprennes pourquoi il l'a dit. Il l'a dit dans une condition, dans une situation bien précise. À savoir, il a vu quelqu'un se préoccuper que de ça. Ou les gens, hein, à un certain moment, ne se préoccupaient que de ça. Donc il attire leur attention. Attention! Hein? Vous devez apprendre la science. Mais ne interdit les réfutations que les éclatés, que les innovateurs. Mais les hommes de science dignes du nom, avec condition, quand ils voient, parce que quand tu sais ce que, là, comment Cheikh Al-Uthaymin, comment Cheikh Al-Fawzan et d'autres défendent la sunna, cette situation, hein, te prouve, comme disent les hommes de science, que ce qu'ils ont dit, c'est parce que il y avait un mal, et que cet avertissement devait sortir très fort, à ce moment-là. Et pour ça, go pas les ambiguïtés comme ça. Hein? Il faut que tu maîtrises tes règles et que tu comprennes et que les paroles des hommes de science ne doivent pas sortir de leur contexte pour ne pas être injuste ni vis-à-vis des hommes de science, ni vis-à-vis de toi-même, ni vis-à-vis de ceux qui t'entourent. Nous n'avons pas le droit de donner un sens, une signification à une parole ou à un avertissement d'homme de science qui n'est pas bon à l'islam. Nous n'avons pas le droit de trahir le sens du texte, ni l'amputer. Et donc celui qui vient qui te dit, ouais mais les hommes de science, hein, regarde cette personne, est-ce que c'est quelqu'un qui aime la sunna, c'est quelqu'un qui aime la voix du puiseur d'Allah, ou c'est quelqu'un qui est une girouette? Si c'est une girouette, il veut que tu sois une girouette comme lui. Hein? Simple, la girouette, tu la connais. Mais t'as vu, les frères du tablir, ils ont un bon comportement. Hein? T'as vu, chez les frères musulmans, on s'occupe du social, batati, batata. Hein? Et ainsi de suite. Ouais, mais il faut, t'as vu, si on commence comme ça, ben nous, qui étions des bons copains dans la cité, etc., on va s'éclater. Hein? Il ne faut pas se préoccuper de ça. Tout ça. Ça va nous amener à quoi? Devenir des girouettes. On tourne avec le vent comme il nous tourne. Hein? Et on s'éloigne. Il faut très attention à l'islam. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Voici le noble compagnon, le deuxième khalife de cette communauté, l'homme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait la séparation entre le bien et le mal. Il s'appelait le Farouk parce qu'il faisait la séparation entre le bien et le mal. Et quand il passe dans une ruelle, Shaitan il passe pas, il rentre pas dans cette ruelle. Il va ailleurs. Il disait, radiyallahu anhu wa arda, attention aux gens qui mettent leur opinion. C'est-à-dire, quelle opinion ici? L'opinion qui est dépourvue de textes, qui est dépourvue de preuves. Attention à ces gens-là. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas apprendre le hadith, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne peuvent pas les mémoriser. Ben, ils ont dit, ils ont émis des opinions. Ils se sont égarés, ils ont égaré. Ils se sont égarés, ils ont égaré. Hein? C'est comme tes contemporains qui veulent te rentrer dans une logique. Hein? Une logique sociale ou une logique politique. La même chose à l'islam. C'est le hawa qui parle. Ce sont les opinions et les choses avec lesquelles la personne est convaincue qu'il met en avant. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma. والله ما أظن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة فترد عليه يكود لندو تبيزي رضو الله عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كمو يزيت فور دون ريفوتاسيون يدون ريبليكا توسكيي erreur, tout ce qui est innovation dans la religion. Regarde. Il dit par Allah, je ne crois pas que Shaitan aime la mort de quelqu'un plus que moi. Parce que lui, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda. On lui dit pourquoi? Il dit parce que dit qu'une innovation apparaît à l'est ou à l'ouest de la terre et qu'un homme me la rapporte, je la nie avec la sunna et il disparaît. Je la nie et je la réfute avec la sunna et il disparaît. Hein? On va dire qu'ils étaient sévères. A'oudou billah. Hein? Vous êtes dur. A'oudou billah. C'est toi qui es laxiste, akhi. C'est toi qui es loin du juste milieu. Il n'y a que deux. Laxiste ou dur. Mais toi, tu es de l'autre côté. Et le juste milieu veut qu'il y ait réfutation, veut qu'on rejette le faux, et que la vérité devienne claire aux gens. Ah là, c'est le juste milieu. Mais toi, tu ne vas pas nous faire gober ton ambiguïté. Toi, tu es laxiste. Et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on se caresse tous dans le sens du poil. Quand est-ce qu'on va faire la part des choses du vrai et du faux? وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن مسعود الله سبحانه وتعالى a dit suivez et n'innovez pas car on vous a suffi. C'est-à-dire la voie elle est claire. Vous devez juste suivre qui? Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Hein? La voie par laquelle ils sont passés, il est large pour nous. S'il a été large pour Abu Bakr, pour Omar, pour Uthman, pour Ali, pour Muawiya, pour Abdullah ibn Mas'ud, pour Abdullah ibn Abbas et pour tous les autres, il est large pour nous. Qui sommes-nous par rapport à eux? La voie sur laquelle ils étaient, de tous les domaines, la réfutation y comprise, il est bonne pour nous et il est large pour nous. Et nous devons l'apprendre. Wa qala al-Sha'bi rahimahullah ta'ala iyyakum wal muqayasa yani ar-ra'y fa walladhi nafsi bi yadihi la in akhadtum bil qiyas la tuhilluna al-haram wa la tuharrimuna al-halal fama balaghakum amman hafiza min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fakhuduhu aw qala fakhudhu bih. Al-Sha'bi rahmatullah alayhi, l'une des grandes éminences de science, il en disait, de ne plus être d'Allah Alim, disait attention à l'analogie, ça veut dire attention à l'opinion dépourvue de preuves. Attention à l'opinion dépourvue de preuves. Par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si vous mettez en avant l'opinion, vous allez rendre licite ce qui est illicite. Et ce qui est illicite, vous allez le rendre licite. Ce qui vous a été transmis de ceux qui ont mémorisé des nobles compagnons de Muhammad alayhi sallam, prenez-le, mettez-le en application. Et nous aurions vers qui? Vers les nobles compagnons de Muhammad alayhi sallam. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى وغفر له اصبر نفسك على السنة وقل ما قالوا وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم أو كما قال رحمه الله تعالى الأوزاعي une éminence de science, une grande montagne de science de cette communauté, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. Elle dit, patiente sur la sunna. Hein? Ils disent qu'ils ont dit, qui? Ceux qui t'ont devancé sur la voie de la sunna. Et tais-toi, toute chose sur laquelle ils n'ont pas parlé, tu ne parles pas. Tu t'abstiens, comme ils l'ont fait. Et prends la voie de tes puiseurs, redouanullahi alayhim. Car le chemin qui était large pour eux, il est large pour toi. Ce sont les conseillers de la communauté Akhir Islam. Ils t'orientent vers la voie qui épargne de l'erreur, qui est la voie de Muhammad alayhi sallatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. La voie qui était large pour eux était là et large pour nous. يقول حفظه الله فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر عن مخالفته. Il dit حفظه الله تعالى maintenant il vous apparaît clairement que les compagnons de votre prophète عليه الصلاة والسلام et leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux sont unanimes sur le fait de répliquer à tout un chacun qui est en divergence avec la sunna du messager alayhi sallatu salam. Leur modèle dans cette voie, c'est votre prophète alayhi sallatu salam. Il a réfuté fortement les divergences et les erreurs, il les a réfutées d'une grande force pour que les personnes comprennent et pour qu'il s'arrête, et pour qu'il l'a fait d'un énorme avertissement, pour que ceux qui sont doués de raison, et ceux qui ont des cœurs vivants, et ceux qui ont de la clairvoyance, s'arrêtent de leur divergence. يقول حفظ الله لما خرج أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف وهوازان بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها وينوطون أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقال الحدثاء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا مثلهم فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إذا يوجد حيون الله عز وجل الشيخ دون دوني عن اكزامب اميديت بيان سيت اكزامب Quand le Rasoul, après la conquête de la Mecque, il sortit vers la tribu de Taqif et de Hawazan, avec son armée, il est passé à côté d'un gibier. Ce gibier, les associateurs faisaient des retraites spirituelles à côté de ce gibier et ils attachaient leurs armes pour avoir la bénédiction à ce gibier. Et les nouveaux convertis, Ridwanullah alayhim, ont dit Ya Rasulallah, donne-nous daf anwat, un arbre dans lequel on peut accrocher aussi nos armes aussi. Fais-nous, choisis-nous un arbre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar, ce sont les voix. Vous avez dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, comme Banu Israël ont dit à Moussa, ils ont dit à Moussa, donne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Yaqul le Cheikh Hafidhahullah, إذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها يظهر العجب العجاب ويشتد ساعد الداعية إلى الله على بصيرة فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. الشيخ حفظه الله تعالى يقول si on jette un regard sur le contenu de cette parole et l'époque où il a été dit, il dit il nous apparaît des choses étonnantes et extraordinaires. Il dit dans ces cas-là, le prêcheur, avec clairvoyance, il va se renforcer encore plus. Il va aller en avant vers l'appel, vers la vérité. يقول فأولا من حيث لفظها هي مختلفة فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأصحاب موسى قالوا يا موسى أليس الفئتان مختلفتان باللفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نادوه باسم الرسالة غاية في التوقير والتأدب معه وأصحاب موسى باسمه في غاية الجلافة وسوء الأدب Il dit حفظه الله تعالى Premièrement, si on regarde l'expression qui a été dite. Il est différent. Les nobles compagnons de Mohammed a.s. ont dit « Ô messager d'Allah !» Quant aux compagnons de Moussa a.s. ils ont dit « Ô Moussa !» Il y a une énorme différence entre les deux expressions. Les compagnons de Mohammed a.s. l'ont appelé avec le message « Ô messager d'Allah !» Ça c'est le summum du respect et du comportement dû au messager alayhi salatu salam. Quant aux compagnons de Moussa alayhi salatu salam, ils n'avaient pas de comportement avec le messager alayhi salatu salam. Ils l'ont appelé au Moussa avec son prénom. Wa ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qalu ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat ma qalu ij'al lana ilahan. أما أصحاب موسى فصرحوا وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Il dit حفظه الله تعالى. Les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام ont dit désigne-nous un arbre date en ouate auquel on accroche nos armes. Ils n'ont pas dit désigne-nous une divinité. Quant aux compagnons de Moussa, alayhi salatu salam, ils ont dit, désigne-nous une divinité. Comme ils ont une divinité, fais-nous une divinité. Ils l'ont déclaré. Contrairement aux nobles compagnons de Mohammed, alayhi salam, ils ont demandé juste l'arbre. Wa ma'a hada, lam yufarriq nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam bayna al-maqulatayn, lianna al-natija wahida wa hiya ibadatu ghayrillahi ta'ala. Et Cheikh de dire, et malgré tout ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la différence entre les deux expressions. Parce que le but à la fin c'est le même, c'est adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fait la différence. Parce que le but, il est identique. C'est vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma min haythu zaman, fa inna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam kana fi ghazwatin وقائل هذه المقولة يشكلون نحو 2000 أو أكثر من المعسكر، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقولته الزاجرة فيهم. Et quant à l'époque, c'est que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala allait vers une bataille. Et ceux qui ont dit cette parole sont au nombre de 2000 akhal islam. Ou plus. Ils font partie de l'armée. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'a pas empêché de les réprimander. Et de les remettre sur les rails. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقالته الزاجرة، لأنهم لو كانت منه صلى الله عليه وسلم مجاملة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الافتراض ما ارتدعوا عن مقولتهم ولا ذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك، ولو ذهبوا وهم يعتقدون ذلك دون ما يقلعوا من قلوبهم، فإن انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام، يعني ها أعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة، لا أعني كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيل دي حفظه الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم malgré le nombre, malgré qu'il allait vers une bataille, vers une guerre à l'islam, ça l'a pas empêché de les réprimander, de les remettre à leur place et de leur montrer la vérité où il est. Hein? Il dit, supposons, c'est, il y avait un caressement au sens de poil, hein, de la part du prophète alayhi sallam, ces gens-là, ce qui n'a pas eu lieu. Hein? Et c'est, le Rasoul sallallahu alayhi sallam n'a pas eu une parole très forte pour enlever l'associationnisme qu'il y a dans leur cœur, il serait parti. Hein? Si l'avertissement n'a pas eu lieu, ils seraient partis vers la bataille, ils auraient quelque chose dans le cœur. Hein? Et s'ils avaient triomphé, ben leur triomphe n'aurait été pas un triomphe de l'islam. Et cher de nous dire ceci, je dis par rapport au nombre qui était. Hein? Et il dit, je ne crois pas que tous ceux qui étaient avec le prophète avaient dit ceci. Mais ça, c'est une supposition. Cher, il est en train de te montrer une situation. Parce que beaucoup, mais la situation veut qu'on s'unisse. C'est pas le moment de se diviser. On s'unisse sur quoi? Hein? Certains, parmi les têtes de ce groupe qui a détruit la communauté depuis un siècle maintenant, qui sont les frères qui ont fait faillite, le Mouflisoun, hein? Est-ce qu'il n'y a aucun mal que la personne trouve sa quiétude en étant étalée sur une tombe, c'est pas un problème. Qu'il invoque le mort, c'est pas un problème. Du moment qu'il est avec nous, il n'y a aucun mal. Hein? Et regarde ça, par rapport à un moment bien précis, il y a un moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam partait vers une bataille, regarde le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refuté la parole. Il a déclaré la vérité, il a orienté les gens vers quoi? Vers la vérité. Hein? Et si on suit des tendances que nous avons autour de nous, jamais ce serait le moment pour avertir contre quoi que ce soit. Jamais. Parce que chaque fois il y a quelque chose. Hein? يقول علي رحمه الله وغفر له ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على الكفر. Il dit c'est jamais, donc il y a eu pas réprimande de la part du prophète عليه الصلاة والسلام, avertissement et réfutation. Et si quelqu'un parmi eux était mort, il serait mort sur une parole de mécréance. فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم زجرا اقتلع راسبة الشرك واجتثها من قلوبهم فلم يقل هذا ولم يقل نحن في غزو وفي حرب مع عدو وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبا لا بد من التصفية والتربية لا بد من السياسة Hein? Et il dit Hafidhahullah Ta'ala. Donc, le prophète alayhi salam a été dur dans l'avertissement avec eux. Et l'avertissement, vous l'avez entendu, cet avertissement a permis d'enlever le moindre atome de l'associationnisme dans leur cœur. Et que leur cœur ne doit pas être souillé, a été par cette parole purifié de toute forme qui allait s'immiscer de l'associationnisme. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enlevé de la racine cette gangrène qui allait s'incruster dans leur cœur. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit nous sommes en période de guerre, nous partons vers la conquête, vers la bataille. Et ceux-là, ils font presque le sixième de l'armée. Non. Mais ce qui est obligatoire, il l'a fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La purification, hein, et l'éducation. Purification de l'association. Purification, hein, et l'éducation sur le monothéisme, al-islam. Ainsi, il agit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Jouer à la politique politicienne. Abadan. Là, il faut aménager le temps qu'on termine la guerre. Abadan. Était ferme. Hein? التوحيد لا بد منه لا بد من قلع جذور الشرك من قلوبهم واشتتاته منها حتى لا تبقى له راسبة المونوتيسم توبليغاتوار دونك الرسول صلى الله عليه وسلم averti contre le fait contre l'associationnisme pour que le détruire à la racine dans leur cœur pour qu'il n'y reste pas. والنقل عنه عليه الصلاة والسلام كثير وكثير جدا لكن مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. Il dit, est-ce qui nous a été rapporté de notre messager عليه الصلاة والسلام et beaucoup en ce qui concerne la réfutation. Elle dit, si nous voulons tout simplement vous éclairer, vous montrer que la réfutation concernant celui qui est tombé dans une divergence, il a un des fondements de cette religion. Il a une des règles de la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Ça fait partie, la réfutation fait partie de notre religion. Et c'est un des fondements de cette religion. Et il fait partie de la da'wah salafi. Et la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et quand tu entends toi maintenant ceux qui veulent te faiblir de l'intérieur, le mukhadhilun, le mukhalif, celui qui est en divergence, c'est pas un problème. Parce qu'il est mukhalif, on sait. Je vais pas me faire avoir par un tablir ou par un. Mais quelqu'un qui se dit salafi comme toi et qui veut, et qui est mukhadhil, qui veut te dévier. Et te faiblir, ah, là, tu les entends des fois, hein? C'est pas le mouvement. Pourquoi tant de répliques? Pourquoi tant de réfutations? Hein? Amma, ceux qui sont en divergence avec la sunna, ah, là, c'est clair et net. C'est pas le moment d'appeler vers le monothéisme. Le monothéisme, ça divise. Hein? Et leur situation, leurs actes le prouvent. S'ils ne le disent pas par leur langue, ben leurs actes le prouvent. Un associationnisme. Un associationnisme qui nous unit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Ainsi, ils disent. Par leur acte, par leur façon de faire, leur façon d'agir. Et leur acte veut dire aussi, hein, même s'ils ne le disent pas par leur langue, une innovation qui nous unit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. Et par Allah, ben, ils sont en divergence avec la vérité. Et par Allah, ils sont en divergence avec la voix de notre prophète, alayhi salam. Et par Allah, ils sont en divergence avec la voix des nobles compagnons, ridwanullah alayhim. Hein? Et vous avez entendu la parole d'Ibn Abbas. Je crois que Shaitan aime ma mort plus que qui que ce soit. Pourquoi? Parce que quand j'entends parler de l'innovation, quand une innovation naît à l'est ou à l'ouest, on me la ramène, je la nie entière avec la sunna. Il la caresse dans le sens du poil. Hein? Non, il faut s'unir, etc. Bah, toute union qui ne se fait pas sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ne sera jamais une union. Appelle-la comme tu veux, mais il ne sera pas une union. Sinon, tu n'as pas besoin de dessin. Regarde. La secte des frères musulmans, qu'est-ce qu'il a ramené à la communauté depuis un siècle? Sinon, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans les années 70 en prison. Certains sont sortis de la prison le dos courbé. D'autres aveugles. D'autres handicapés. Et ainsi de suite. Les malheurs qui ont découlé d'un siècle de la secte des frères musulmans est énorme à travers le monde musulman. Et jusqu'à nos jours, on subit encore. Tu vois pas? Les Mohamed Hassan qui sortent bénis ces manifestations. Ces manifestations sont légiférées. Et après, vas-y, plus loin. Nos frères les coptes. Ainsi il dit. Nos frères les coptes. Frères coptes, vous n'avez pas à avoir peur. Nous et vous, nous sommes égaux dans la citoyenneté égyptienne. Et ainsi de suite. Hein? Et avec ça, sans faire la séparation du bien et du mal, nous allons arriver à la suprématie. Abadan akhal islam. Abadan akhal islam. C'est pas en jouant à l'apprenti politicien, c'est pas quand les prêcheurs jouent à l'apprenti politicien qu'ils vont sortir la communauté de du malheur dans lequel il est. Là, c'est en faisant revenir cette communauté à la voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. L'imam Malik disait que ne fera, il le rapporte ou Ibn Kisan, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Et à quelle époque il le disait? C'est une époque qui a reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal. C'est l'époque des successeurs, du compagnon de Muhammad alayhi salam. يقول حفظه الله هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة ولعلي أطلت عليكم كثيرا ولعل الأسئلة تكشف شيئا غفلنا عنه أو تنبئ إلى أمر ضروري المقام يحتاج إلى بسطه وقد اختصرناه وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. Il dit, alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis dans cette parole, et peut-être que j'étais lent pour vous, et peut-être que les questions vont et nous éclaircir sur des choses sur lesquelles nous sommes passés ou sur lesquelles nous étions insouciants, ou vont attirer notre attention sur un sujet important dont il y a besoin de le détailler, alors que je l'ai dit en résumé, que Allah subhanahu wa ta'ala accomplit tout le monde dans son obéissance, et nous disons Amin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khayran.